السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous continuons avec la permission d'Allah Azza wa Jal la lecture et l'étude de l'épître Fadail al-Qur'an, les mérites du Qur'an, du noble Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Nous sommes dans la troisième assise et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous octroyer la réussite et de nous assister. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن باب الجفاء عن القرآن. L'auteur du livre رحمه الله تعالى dit dans son livre Les mérites du Coran, le chapitre de l'abandon du Coran, c'est-à-dire le fait d'être laxisme envers le Coran dans sa lecture, sa méditation et sa mise en pratique. قال المؤلف عن سمرة بن جندب في حديث الرؤيا الطويل مرفوعا قال أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى فقلت لهما سبحان الله ما هذا قال هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. D'après Samura ibn Jundub, radiyallahu anhu, qui a dit, dans le hadith, dans le long hadith de la vision, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai reçu cette nuit la visite de deux anges envoyés. Ils m'ont demandé de les suivre, je les ai suivis. Nous sommes arrivés à un homme allongé sur le côté, et il y avait un autre homme debout tenant dans les mains un rocher. Et voici que cet homme jeta soudainement ce rocher sur la tête de l'homme allongé. Sa tête s'est alors fendu, le rocher se mit à rouler ici et là. L'homme reprit le rocher et il n'arriva à l'homme couché au sol qu'une fois la tête de l'homme redevenue comme elle était. Puis il répéta la même chose sur la tête de l'homme. Je leur dis, Subhanallah, qu'est-ce que cela? Ils dirent, c'est un homme à qui Allah a enseigné le Coran. Il dormait ses nuits et il ne l'appliquait pas pendant la journée. On fera cela avec lui jusqu'au jour de la résurrection. Nous voyons à travers ce hadith le châtiment de celui qui a appris le Coran et par la suite a abandonné le Coran, au point d'abandonner sa récitation, sa méditation et sa mise en pratique. On demande à Allah Azza wa Jal de nous épargner son châtiment. قال المؤلف رحمه الله ولمسلم عن أبي موسى أنه قال لقراء البصرة أتلوا ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. L'imam muslim rapporte d'après Abi Moussa radiallahu anhu, qui dit au lecteur de Bassora, qui est une ville en Irak, récitez le Coran et que le temps ne vous paraisse pas long, car vos cœurs s'endurciront comme s'est endurci les cœurs de ceux qui vous ont précédés. Nous retenons de ce récit que la récitation du Coran adoucit les cœurs, et que le délaissement et l'abandon de la récitation du Coran endurcit les cœurs. Nous voyons à travers ces différents textes la menace pour celui qui fait preuve de laxisme envers le Coran au point d'abandonner sa lecture, sa méditation et sa mise en pratique. On demande à Allah Azza wa Jal d'adoucir nos cœurs par la récitation du Coran, sa méditation et sa mise en pratique. L'auteur du livre passe au chapitre suivant. Il dit « Babu man ibtagha al-huda min ghayri al-Qur'an » le chapitre « De quiconque recherche la guidée en dehors du Qur'an ». Car le Qur'an est un guide pour les gens. D'ailleurs, à cet effet, Allah Azza wa Jal dit « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس » le mois de Ramadan au cours duquel le Qur'an fut révélé comme guide pour les gens. قال المؤلف رحمه الله وقول الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون الآيتين. Dans le sens rapproché des versets, et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du Tout Miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Ils, les diables, détournent certes les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Surat l'ornement, versets 36 et 37. L'imam al-Sa'di, rahimahullahu ta'ala, dit en commentaire de ces versets, « Le Très-Haut informe ici du châtiment qu'il réserve à celui qui se détourne de son rappel. » Il dit, « Quiconque s'aveugle, s'écarte, c'est-à-dire se détourne, du rappel du Tout Miséricordieux, qui est le noble Coran, la plus grande miséricorde envoyée par Allah à ses serviteurs. Celui qui l'accepte aura accepté le meilleur des dons et gagné la plus grande des faveurs et des aspirations. Et celui qui le rejette et le refuse aura perdu d'une perte après laquelle il ne connaîtra plus de bonheur. En outre, le Tout Miséricordieux lui destinera un démon rebelle qui lui servira de compagnon et de conseiller en lui faisant des suggestions et des promesses fausses et en l'entraînant vers les péchés et la désobéissance. » L'imam al-Sa'di, rahimahullah, dit un peu plus loin, « Si quelqu'un demande, un tel homme peut-il être excusé dans la mesure où il pensait qu'il était bien dirigé alors qu'il n'en était rien ? » La réponse est, « Un tel homme ou ses semblables n'ont aucune excuse à faire valoir car l'origine de leur ignorance est d'avoir refusé le rappel venant d'Allah alors qu'il avait la possibilité de suivre la voie de la guidée. » Nous voyons à travers cette explication que celui qui cherche la guidée en dehors du Coran s'égarera. قال المؤلف رحمه الله l'auteur du livre a dit وقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Dans le sens rapproché du verset, et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Sourate les abeilles, verset 89. L'imam al-Tabari, rahimahullahu ta'ala, a dit en commentaire de ce verset, « Ce Coran a été descendu sur toi, ô Muhammad, pour exposer et expliquer tout ce dont les gens ont besoin, comme la connaissance du licite et l'illicite, la connaissance des récompenses et des châtiments. Il est aussi une guidée contre l'égarement. Il est une miséricorde pour celui qui le rend véridique et œuvre en fonction de ce qui s'y trouve comme ordre et interdit. Il est aussi une annonce pour les musulmans, pour celui qui a obéi à Allah et s'est soumis à Allah à travers son unicité. » Nous voyons à travers ce verset qu'il y a dans le Coran tout ce dont l'homme a besoin dans sa vie. De même, la personne qui cherche la guidée en dehors du Coran s'égarera et s'éloignera du droit chemin. قال المؤلف رحمه الله l'auteur du livre a dit وعن زيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وفي لفظ: أحدهما كتاب الله، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. رواه مسلم. D'après Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a prononcé un discours un jour alors que nous étions près d'un cours d'eau appelé Khumman, qui se situe entre Mecca et Al-Madina. Il a loué Allah, puis il a dit: ô vous les gens, je ne suis qu'un homme. Peu s'en faut que l'envoyé d'Allah vienne à moi et que je réponde à son appel. Je laisse avec vous deux charges. La première des deux est le livre d'Allah. Il contient la guidée et la lumière. Prenez ce livre et accrochez-vous-y. Ensuite il dit: et les gens de ma famille, je vous fais le rappel d'Allah envers les gens de ma famille. Dans une autre version, la première des deux choses est le livre d'Allah et c'est le câble d'Allah. Quiconque le suit, c'est-à-dire le Coran, sera sur la guidée et quiconque le délaisse sera dans l'égarement. Ce hadith a été rapporté par Muslim. Nous retenons à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle qu'il n'est qu'un homme et qu'il n'a aucun droit à l'adoration. Nous retenons également de ce hadith qu'il a laissé derrière lui deux charges. L'une des deux est le Coran, qui contient la guidée et la lumière. Nous voyons également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à le prendre et de s'y accrocher, c'est-à-dire de le lire, de l'apprendre, de l'enseigner, de le méditer et de le mettre en pratique. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle le droit de sa famille. D'ailleurs, les gens de la sunna sont sur une position du juste milieu concernant les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'exagèrent pas comme le font les chiites et ne sont pas laxistes envers eux. Nous voyons également que celui qui suit le Coran sera guidé. Quant à celui qui cherche la guidée en dehors du Coran, s'éloignera et s'égarera du droit chemin. قال المؤلف رحمه الله لوتر دو ليف ادي: وله عن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خاطب يقول: اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعه ضلاله. الامام مسلم rapporte d'après جابر رضي الله عنه que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire lorsqu'il prononçait un sermon: la meilleure des paroles est le livre d'Allah, et la meilleure des guidées est la guidée de Muhammad. Les pires des choses sont les nouveautés dans la religion, et toute innovation est égarement. Nous voyons à travers ce hadith, ou ce récit, que la meilleure des paroles est le livre d'Allah, et que la meilleure des guidées est la guidée avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre toute innovation dans la religion sans exception. Il n'y a donc pas d'innovation bonne dans la religion. D'ailleurs, l'imam Malik rahimahullah a dit: celui qui prétend qu'il y a des innovations bonnes aura prétendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Car Allah azza wa jal a dit dans le Coran: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Ce qui ne faisait pas partie de la religion à leur époque ne peut faire partie de la religion aujourd'hui. Il a dit: les derniers de cette communauté ne se réformeront qu'avec ceux qui a réformé les premiers de cette communauté. De même, il a été rapporté de Abdullah ibn Omar qui disait: toute innovation est un égarement, même si les gens la voient bonne. Nous voyons à travers ces différents textes que la guidée se trouve dans le Coran et la Sunna. Quant à celui qui cherche la guidée en dehors du Coran, s'égarera d'un égarement lointain. On demande à Allah Azza wa Jal de nous guider et de nous raffermir sur cette guidée. L'auteur du livre passe au chapitre suivant. Il dit « Babul ghuluwi fil Qur'an » Le chapitre de l'exagération dans le Qur'an. L'exagération dans le Qur'an est de plusieurs sortes. Il y a l'exagération dans la lecture, dans l'application des règles de tajwid. Il y a l'exagération dans la compréhension du Qur'an. Et beaucoup de sectes ont exagéré dans ce domaine, à titre d'exemple, Al-Khawarij. Il y a aussi l'exagération dans l'application, en dépassant les limites fixées par Allahu Azza wa Jal. De même, les causes de l'exagération sont nombreuses. Nous pouvons citer à titre d'exemple le suivi des passions, l'ignorance, le suivi aveugle. Lorsque la personne voit du laxisme de la part d'autres personnes, alors pour ne pas tomber dans ce laxisme, il va à l'extrême de cela. En résumé, les gens vis-à-vis du Qur'an sont de trois catégories. La première catégorie sont ceux qui ont exagéré vis-à-vis du Qur'an. La deuxième sont ceux qui ont fait preuve de laxisme envers le Qur'an. Et la troisième catégorie sont ceux qui sont sur une position du juste milieu, ceux qui sont sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة قلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير قال فصم صوم داود فإنه كان أعبد الناس واقرأ القرآن في كل شهر قال قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل عشرين قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل عشر قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك نبخ عبد الله بن عمرو radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « On m'a informé que tu jeûnes tous les jours et que tu lis le Coran en entier toutes les nuits. J'ai dit « Effectivement, ô messager d'Allah, et je ne veux par cela que le bien. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Jeûne le jeûne de Daoud, qui était le plus adorateur des gens. » Le jeûne de Daoud, c'est de jeûner un jour sur deux. Il lui dit « Et récite le Coran, c'est-à-dire termine-le une fois tous les mois. » Je dis « Ô prophète d'Allah, je peux supporter plus que cela. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lis-le tous les 20 jours. » Je dis « Ô prophète d'Allah, je peux supporter plus que cela. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Alors tous les 10 jours. » Je dis « Ô prophète d'Allah, je peux supporter plus que cela. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Lis-le tous les 7 jours et n'ajoute rien à cela. » Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. قال المؤلف رحمه الله ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. D'après Abdullah ibn Mas'ud, رضي الله عنه qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que périssent les exagérateurs. Ce hadith a été rapporté par Muslim. Le grand savant, le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, a dit en commentaire de ce hadith est une preuve pour les gens de la sunna contre les gens de l'innovation. Car les innovateurs ont exagéré dans la religion, ils ont apporté des choses qui n'ont pas été légiférées par Allah. Les exagérateurs sont ceux qui rajoutent et exagèrent dans la législation d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils ont péri car ils sont sortis de ce dans quoi ils devraient être. Car la religion est entre l'exagération et le laxisme. Il y a des gens qui sont dans l'exagération jusqu'à ce qu'ils dépassent les limites. Et il y a des gens qui sont dans la négligence au point de délaisser les obligations. Et ces deux catégories de gens sont dans la perdition. Fin de citation. قال المؤلف رحمه الله لوتر دو ليف ادي وعن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا الفين احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر من امري مما امرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أبو داود والترمذي. D'après Abi Rafi', le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que je ne trouve pas l'un d'entre vous adossé sur son divan, et quand un ordre parmi mes ordres ou un interdit parmi ceux que j'ai interdit lui parvient, il dit « Je ne sais pas, ce que nous trouvons dans le Coran, nous le suivons. » Hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Nous voyons à travers ce hadith le danger d'exagérer dans le Coran au point de délaisser la Sunna, alors que la Sunna est venue expliquer le Coran. Allahu Azza wa Jal dit à cet effet « وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ » dans le sens rapproché des versets, du verset « Il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. » Il dit également « Azza wa Jal « وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ » Et ce que le messager vous donne, alors prenez-le, dans le sens du verset. Nous voyons, à travers ces versets, que la sunna est une révélation à part entière. De même, la personne qui voudrait se suffire du Coran et délaisser la sunna, alors comment est-ce qu'il va trouver les détails de la prière, de la salat? Comment est-ce qu'il va trouver les détails de la zakat, du hajj, du jeûne, de la purification, du mariage, du divorce ou autre? D'ailleurs, il y a une secte qui est faussement appelée Al-Qur'aniyoun, qui s'appuie sur le Coran et délaisse la sunna. Ceux-là ont exagéré et ont contredit le Coran, car le Coran ordonne de revenir à la sunna. On demande à Allahu Azza wa Jal de nous préserver de l'exagération et du laxisme. قال المؤلف, l'auteur du livre a dit, il passe au chapitre suivant, il dit باب ما جاء في اتباع المتشابه, le chapitre de suivre les ambiguïtés dans le Coran, c'est-à-dire les versets dont le sens n'est pas apparent pour une partie des gens et ou dont le sens donne lieu à plusieurs interprétations. قال المؤلف وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فقال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. D'après Aïcha رضي الله عنها, le prophète صلى الله عليه وسلم a lu le verset C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à plusieurs interprétations. Puis il dit, si tu vois ceux qui suivent ce qui est ambigu du livre, ceux-là sont ceux qu'Allah a nommés. Prenez garde. Ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Nous voyons à travers ce hadith qu'il est interdit de suivre les ambiguïtés dans le Coran. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre ce genre d'agissement. Nous voyons également que ceux qui cherchent les ambiguïtés sont les gens des passions et ceux qui ont une maladie dans le cœur. L'imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, a dit concernant la parole d'Allah et d'autres versets qui peuvent prêter à plusieurs interprétations, il dit, c'est-à-dire des versets dont le sens est ambigu pour une partie des gens. En ce sens que leur signification reste globale et générale, ou donne lieu à plusieurs interprétations. Il dit, les versets non explicites doivent être renvoyés aux versets du Coran qui sont explicites pour que leur sens devienne explicite ou clair. قال المؤلف رحمه الله ولما سأل صبير عمر عن والذاريات وأشباهها ضربه عمر. L'auteur du livre a dit, et lorsque le dénommé Sabir a questionné Omar au sujet de la parole d'Allah, Wadhariyat, dans le sens du verset par les vents qui éparpillent, et ce genre de verset, Omar radiallahu anhu l'a alors frappé, et le récit est bien connu. L'histoire de Sabir, le récit de Sabir, qui est un tabi'in, et qu'il circulait entre les gens et propageait les ambiguïtés du Coran. Omar, radiallahu anhu, alors qu'il était gouverneur des musulmans, a entendu cela. Jusqu'au jour où il rencontra Sabir. Sabir questionna Omar, radiallahu anhu, sur le verset « Wadhariyat ». Omar, à ce moment-là, sut qu'il s'agissait du dénommé Sabir. Omar le frappa avec des branches de date, à plusieurs reprises, jusqu'à ce que Sabir se repentât, jusqu'à ce que les ambiguïtés se dissipât de Sabir. Nous voyons à travers ces différents récits la mise en garde et l'interdiction de suivre ce qui est ambigu. De même, le fait de suivre les ambiguïtés du Coran fait partie des caractéristiques des gens qui ont une déviance dans le cœur. De même, il est obligatoire de renvoyer les versets non explicites aux versets qui sont explicites et qui sont la base du livre. On demande à Allah Azza wa Jal de purifier nos cœurs et de ne pas faire dévier nos cœurs après les avoir guidés. قال المؤلف رحمه الله l'auteur du livre passe au chapitre suivant. Il dit باب وعيد من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم. Le chapitre de la menace sur celui qui s'exprime dans le Coran d'après son opinion et sans connaissance ou sans science. L'auteur du livre رحمه الله veut à travers ce chapitre mettre en garde contre le fait de parler sur le Coran avec ignorance et de par sa propre opinion qui n'est basée sur aucune règle scientifique. قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dans le sens rapproché du verset, dit Mon Seigneur m'a interdit les turpitudes apparentes et cachées, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Surat Al-A'raf, verset 34. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit en commentaire de ce verset, dans la parole, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas, il dit, ceci est le plus grand des péchés auprès d'Allah, et le plus pire, car il comporte le mensonge contre Allah, le changement de sa religion, le fait de nier ce qu'Allah a affirmé, et d'affirmer ce qu'Allah a nié. Il dit plus loin, ceci est même la base du polythéisme. De même, l'innovation et l'égarement sont bâtis sur le fait de parler sur Allah sans science. Nous voyons à travers l'explication de ce verset que le fait de parler sur le Coran sans science fait partie des plus grands péchés. قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه وفي رواية من غير علم فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي وحسنه. L'auteur du livre a dit, d'après Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque s'exprime dans le Coran par sa propre opinion, qu'il prépare sa place dans le feu. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Il y a dans ce hadith la menace du feu sur celui qui parle sur le Coran sans science. قال المؤلف l'auteur du livre a dit وعن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ رواه أبو داود والترمذي وقال غريب. D'après جندب رضي الله عنه le prophète صلى الله عليه وسلم a dit quiconque s'exprime dans le Coran par son opinion et atteint la vie juste, c'est certes trompé. Hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Les deux derniers hadiths que nous venons de citer ont été jugés faibles, mais leur sens est correct. On voit à travers ces différents textes la gravité de parler sur le Coran sans science. La gravité de parler sur le Coran sans science et de par sa propre opinion. De même, il découlera de cela de parler sur le Coran sans science, l'égarement, l'innovation et plus pire que cela, le polythéisme. On demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver de cela. فَنَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ Nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous sera la semaine prochaine بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى فَنَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ